Yeah. FR du à tous mes potos. Parole sincère. On est des êtres de l'humanité. La vie est ainsi, faite de plaisir et d'ennui. Oubliez cette vie, sourire à la vie. Faut me dire que chaque jour est rempli d'amour. Mes amis, mes potos, même noyés sous l'eau, je peux en ressortir que plus beau. Rien à vous d'être mélancolique, je raconte ce qui me blesse. Car en un soir, j'ai arrivé à couler les larmes de mes souffrances. Moi, qui endure depuis des mois. Car après un échec, tout remonte à la surface. Lola, mon ange, mon bébé, jamais j'aurais dû te faire ça. Mais tu me manques, mais t'inquiète, dans la lumière, le Seigneur m'accueille les bras ouverts. Comment j'ai pu faire le con ainsi? À qui s'appeler? Une loque, un maigre, un moche. Toutes les filles me fuient, célibataire éternel, mélancolique anonyme. Pas besoin de le savoir pour couper les veines. Celle qui anime la vie et celle qui donne la mort, c'est la destination finale pour moi. Que la faucheuse vienne me chercher et que Gabriel de ses ailes viendra me recouvrir. Je cours sur un mauvais rail, un train en face me percute violemment et me projette réellement à la réalité. Comme le Titanic, je m'enfonce peu à peu. Un album, une légende, j'y croyais pas vraiment. J'aurais voulu goûter à ce qu'est le bonheur d'aimer sa famille. Pourtant, aimer son prochain, je crois bien le faire. Rien à foutre de ce que pensent les gens. Dans mon stade, j'ai honte, ici le cours d'un être de l'humanité. Je représente mes biens, un pour ma famille, deux pour mes amis, trois pour mon taf, car rien que dans mon cœur, quand j'ai un respect ce pouvoir de liberté qui me fuit peu à peu chaque jour. Oublié, on ne peut oublier. Même si c'est fini les galères, y'en a marre des grosses conneries. Si c'est ton choix, Amandine, sache que je le respecte. En même temps, tu as été dégueulasse, mais je fais tout pour m'en sortir. Même si une autre fille, un autre amour, jamais je connaîtrai ce bonheur. Je suis un être de l'humanité, surgé, déprimé, rien à foutre du bordel. FRG est de retour, Satan est sorti de mon âme, ça va faire mal à vos yeux. Et vous allez retrouver celui que vous avez perdu, le même en mieux, celui qui se bat pour que chaque jour compte, pour que le sourire illumine toutes vos journées. Je suis là et serai là pour vous et pour nous, un mec du boulevard, en direct de Bellecroix. Je suis en live car dans mon style je garde la pêche, mais je resterai mélancolique, anonyme. Je dédicace à mes potos qui sauront un jour ce que c'est vraiment d'aimer. À mes potos, je serai là, à toute ma famille que je pardonne. FRG vient choquer les maisons. Je n'oublie pas mes galères ni mes misères, c'est ce qui fait que je suis là. Mais les années passent, les souvenirs prépassent, mais je suis sur mon vécu, alors je m'en servir pour les années à venir. Pour tous les mecs qui se sont blessés dans leur âme, mélancolique frangin, yeah. Mélancolique frangin 009. Y'a rien de neuf. Tout est chaos. Les chimites nous rendent chaos.